Radio Vive, une radio faite et pour les habitants. Radio Vive, branchée sur la vraie vie. Donc on est le 24. Ouais, le 24, 7, 24. Je suis avec Alessandra, à la maison de quartier. Mmh. Il est 11h. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur la maison de quartier, les eaux vives? Je sors ma plan. Non mais des anecdotes, je sais pas. Ah non, non mais moi je suis nul comme ça pour... des anecdotes. Pas comme anecdote. Alors, quelque chose qui t'a marqué, c'est pas forcément... Anecdote. Moi aussi, t'as pas envie de regarder. Ouais, regarde, peut-être ça viendra après, mais là, comme ça, c'est vrai que c'est... depuis combien de temps tu connais la maison de quartier des eaux vives? Alors, depuis... une vingtaine d'années, parce que j'ai mis mon fils, je mettais pour le ski et pour le centre aéré d'été. Mmh. Hein, et du coup, puis après, quand il a eu 10 ans, commencé à avoir les potes, à faire des trucs avec sa maman, je me suis dit, allez, il faut faire quelque chose. Puis j'ai commencé à devenir bénévole ici, donc ça fait 14 ans, je pense, voilà, que je suis bénévole ici. Et est-ce que tu peux nous dire un peu les changements que tu notes sur ces 14 ans, sur ces 20 ans de maison de quartier? S'il y a eu des changements? Il y a eu des changements d'animateur. Bizarre. Ils sont partis à la retraite. Mmh. Ils sont partis sur d'autres aventures. Les changements... Non, franchement, moi, je suis dans les activités, je suis dans les grillades, dans les repas du mardi et les sorties montagne. Et ben, c'est toujours là, quoi. Ah ouais, il y avait déjà vrai. À l'époque. Ouais, c'est pas des trucs. Ouais, le grillade, c'était réactivé il y a 6-7 ans, je sais pas combien de temps. Il y avait, après tout d'un coup, ça s'est remis en route. Ouais. Et donc là, moi, je suis là pour ces activités-là, et c'est vrai que des changements, non. Donc si on dit comment c'était avant et maintenant, c'est pareil. Pareil. Ouais. Quoi, oui. Ouais. Ouais. En lien avec le avant, comment c'était, toi tu vis aux eaux vives, comment c'était le quartier des eaux vives avant? Comment c'était avant? Moins de circule. Il paraît. Ah putain, moi je suis nul à ce jeu. Hein. Comment c'était avant, mais... Ça s'est transformé. Mais pas tant que ça, ouais, les immeubles sur le haut des eaux vives qui ont apparu. Mais... Moi j'étais plutôt vers le bas, puis après en 2018 j'ai déménagé route de Malagnou. Non, parce que pour moi les eaux vives c'est le lac, c'est les parcs. Hein. Ils sont toujours là, ils n'ont pas bougé. C'est ça que j'aime beaucoup dans ce quartier. Je suis né dans ce quartier d'ailleurs aussi. Ah ouais. Hein. Tu vois pas beaucoup de changements? Non. Ok. On va parler des immeubles qui sortent. Oui. Plus de monde, forcément, plus de circules, mais non, moi. Le lac est toujours là, comme tu dis. Voilà. Le parc aussi. Ouais. Non, changement avant-après. Non. Tiens, je vais t'amener zéro machin là pour ton. Ouais, c'est. Ça... Mais non, mais on va y arriver. Ouais. On va travailler un petit peu encore. 40 ans, c'est pas rien. 40 ans de la maison de quartier, c'est pour ça que je voulais t'interroger un peu. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça t'évoque, les 40 ans de la maison de quartier? En principe, c'est là où on commence à être bien, 40 ans. Moi, 40 ans, franchement, t'as plus les problèmes de la jeunesse, t'es encore bien. Ouais. Voilà. Début, pas le début de la vie, non. Ouais. Voilà. La maturité. Ouais. Une bonne maturité, quoi. Pour la maison de quartier, ça t'évoque pareil, aussi. C'est une bonne maturité. Bah, je pense qu'il y a toujours des progrès à faire. Hein. Voilà, là, on manque actuellement, quoi. Vous manquez de monde, quoi. Donc ça s'essouffle un peu, mais... Non, mais... Pour toi, il n'y a pas vraiment de changement. C'est pas... Il n'y a pas de... Bah oui, il y a des comités qui changent. Ouais. Voilà, oui, mais... c'est ça. Il y a des... Mais de changement, Ouais, non, y a, dans les activités, il y a quelques trucs en plus qui se sont mis en place, quoi. Typiquement, les jeux d'Ivary, des trucs comme ça. Depuis, mais. Non, c'est. Toi, la cuisine, par exemple, les repas des aînés, ça existait déjà? Oui, ouais, je suis rentré pour ça. Ouais, je suis rentré en premier ici avec la cuisine, justement. Ok. Donc, c'était. Ouais. Donc, les centres aérés, il y avait déjà. Oui. Franchement, dans le fonctionnement, je vois pas tellement. Les cours, il y avait déjà. Jai, Luciano, ils étaient là. Ouais, pareil. Il faut que je les attrape aussi. Par les cours français là, qui s'arrêtent, parce que Nivès est parti à la retraite. Quoi. Je sais pas si vous avez trouvé quelqu'un d'autre. Je veux dire, il y a. Puis c'est vrai que les activités tout public, je regarde quoi, les cours, je veux dire, je suis pas tellement. Donc, il y a sûrement des changements, mais c'est, sinon, la maison, elle est là. Quoi. Ouais. Ouais, quoi. Du coup, 40 ans, ça t'évoque la maturité, donc ça veut dire que c'est une histoire qui roule, la maison de quartier. Oui, aussi, moi, Il y a une espèce de sérénité. Moi, j'adore être ici, j'adore la maison parce qu'elle est magnifique, sa glycine est magnifique aussi. c'est une belle maison et c'est vrai que je me sens bien à être ici, quoi, à être bénévole ici. Comment tu verrais, tu souhaiterais voir cette fête d'anniversaire pour les 40 ans? Colle sur colle. Moi, je suis nul parce que je fête pas les anniversaires. Ouais. Je fête jamais mes anniversaires. Donc voilà, je suis nul pour les fêtes d'anniversaire. Mais comment t'imaginerais cette fête d'anniversaire pour la maison de quartier? T'as quand même l'habitude un peu de ce qui se passe quand on fête des choses dans la maison de quartier. Ben, j'espère juste que les des anciens, nouveaux usagers soient là. Et voilà, que les gens qui la font vivre aussi, bénévoles, les animateurs, voilà, que du monde soit là, quoi. Et des activités spécifiques, ou bien ce serait juste un repas Il peut y avoir quelques animations, des petits ateliers, je sais pas. Quoi, comme on avait fait pour les 30 ans, ça. C'était quoi déjà? Il y avait des bars à jus. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait? J'étais venu, il y avait quoi encore? C'était ici? Ouais, on utilisait la cour beaucoup et le parc à côté, il y avait eu. Je ne sais même plus ce qu'il y avait eu. Je me souviens des. Barrages. Comment tu vois la suite de cette maison de quartier? Pareil, vu que tu ne vois pas trop de différence. Ouais. Tu te dis, ça va continuer comme ça 40 ans encore? Bon, après, vu la densification, je pense que. Et c'est vraiment dommage parce qu'on aurait pu avoir une option quand ils se construisaient là-haut, mais... Tu dis construire là-haut où? À la gare des Eaux Vives, en fait. On aurait pu... Ce qu'il faudrait, c'est une deuxième maison de quartier des Eaux Vives, quoi. Et voilà, il faudrait les locaux. Ça a été discuté, ça? On avait abordé en comité quand j'y étais, et, mais... En fait, il fallait se positionner franchement si on voulait des locaux là-haut. Puis on ne voulait pas que des locaux pour utiliser de temps en temps, mais je pense qu'il faudrait ouvrir... Vu les listes d'attente chaque fois, tout ce que j'entends, quoi, sur le. Qu'on ne peut pas prendre tous les enfants, qu'il y en a plein qui sont en liste d'attente, et le besoin qu'il y a, quoi. La suite, ça serait de faire une maison bis, quoi. Et tu penses que toutes les maisons de quartier, c'est comme ça? Non, ça dépend des quartiers, je pense, comme ça densifie, quoi. Tout d'un coup, un quartier où ça construit 10-20 immeubles, où il y a 150 familles, et plus, quoi, tu vois, je veux dire, ça. Après, le truc, c'est toujours ça, c'est comme avec les écoles, quoi. Les gamins, ils sont petits, ils en ont besoin. Après, ils arrivent à 12 ans, ils n'en ont plus besoin là. Et donc, c'est vrai qu'il faut... Voilà. Et il y avait des activités avant... Il y avait des ados qui étaient là. Toi, quand t'as bossé, il y avait des ados qui étaient déjà plus là ou bien... Non, ils étaient plus là. Ouais. Okay. Ils étaient déjà à la source. Ouais. Et t'as connu cette roulotte là qui se déplaçait ou pas? Cette roulotte qui est à l'extérieur? Oui, ouais. Je la voyais pas parce que c'était sur les centres aérés où des fois ils allaient à la métro parc de la Grange. Mais je sais pas pour avoir le matériel, je pense, pour faire des animations avec les gamins, quoi. Je sais qu'elle allait justement à Jussy, quand on avait Jussy, mais avant que ça soit le Jussy maintenant, avec Claire Vive. Donc je sais pas ce qu'elle peut, quoi. Non. T'as pas trop vu ce qui se passait autour de cette. Non. Un temps on a stocké des trucs pour le potager dedans, je me souviens, pour ça j'ai vu l'intérieur, mais sinon. Et la fête de l'escalade, du coup, là, on a vu qu'elle est, c'était quoi? Ils faisaient un défilé, partait, je crois, de l'école du 31 décembre, on a jusqu'à l'école de Montchoisy, et il me semble qu'on revenait, et ouais, c'était sympa, puis il y avait, tu sais, ces costumes ovalaisons avec des cornes, là, des monstres. Moi, j'étais traumatisée. Ah, ouais, voilà. Il y avait toujours ça, quoi. C'était cool parce qu'il y avait une des... Elle a été animatrice ici, comment ça s'appelle, Sandrine Hirschi, je crois. Mm. Et elle faisait ça, quoi. Elle faisait... Elle était dans ces monstres de carnaval qu'ils utilisent en Valais. Ah ouais, j'avais 4-5 ans. Ouais, oui, tu vois, des monstres passer. Ouais, moi j'allais avec mon gamin aussi. J'étais petit. Mais c'était vraiment impressionnant. Ah ouais, c'était impressionnant. Ah ouais, en plus ils viennent pour faire peur, tout ça. Ils vont vers les gamins, quoi. Donc ça, c'était chouette. Après, ça puait quand on arrivait rue Montchoisy, tu sais, vers la COP, avant l'école de Montchoisy, il y a les ginkgo femelles, et en automne, quand on fait le machin de l'escalade, il y a des fruits qui sont par terre, ça sent le vomi, là. Ça, c'est un truc qui me reste aussi en tête. Il y a des ginkgo femelles, des arbres, à rue Montchoisy, juste avant l'école. Et ça sentait le vomi, parce qu'il y a des gens qui... Non, le ginkgo femelle, c'est un arbre, la femelle fait des fruits qui tombent en automne, et qui sentent le vomi, quoi. Ouais. Et donc là, c'est vraiment un truc. C'est dans cette portion. Voilà, maintenant, ils plantent plus que des ginkgo mâles pour pas qu'il y ait ce problème. Mais avant, on savait pas, je sais pas, ils y ont pas pensé. Non, c'est juste, j'en ai senti, il y en a encore. Ouais, ça va. Une année, c'est en bas à la rue de Montchoisy. Ouais. Il y en a une dizaine comme ça. Ah ouais, donc ça, comme on passait là. Oui, c'est ton odeur. Tu vois, c'est une anecdote, ça. Voilà. Comme vous disiez, le défilé. Oui, parce que c'est la période où ils tombent, quoi. Mmh. En automne, tu vois. Okay. Fin d'automne, ils tombent et... Quoi. Oui, c'est encore l'automne. Voilà. Donc, toi, t'es cuisine, montagne et la troisième activité. Grillade. Grillade. Mmh. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ces activités en tout cas, enfin, de dire un peu... Toi, comment ton application de bénévole aussi, c'est... Consiste en quoi exactement? Mon implication de bénévole, c'est j'ai commencé avec la cuisine, mais c'est égoïste parce que j'ai besoin de gérer mon hyperactivité et de m'occuper. Mmh. Voilà, non, c'est pas égoïste. Bon, non, mais je veux dire, du coup, oui, je préfère autre chose, mais du coup, voilà, ça m'occupe parce que j'ai besoin d'être occupé et puis en même temps, bah, j'adore l'échange avec les gens et c'est vrai que ça ouais, autant tu donnes, autant tu reçois. Moi, j'aime bien. Quand j'aime bien être en lien avec les gens aussi. Et du coup, bah, voilà. Et joins l'utile à l'agréable. Particulièrement, là, quand tu fais la cuisine mm-hmm. et les sorties montagne, mm-hmm. c'est plutôt des personnes âgées. Ouais, pas mal. Sorties montagne, il y a des familles aussi, c'est un peu tout. Et puis, la cuisine aussi, il y a quelques familles, quelques jeunes, non mm. y a, qui viennent. La majorité, on va dire 80%, c'est des personnes à la retraite et âgées, très âgées, certaines. Mais sinon, non. Bon, et c'était rapide avec toi. Avec Madeleine, j'ai fait au moins une heure. Ah, mais Madeleine, sûrement qu'elle a plus à encore pas plus à raconter, mais qu'elle raconte mieux. Mais moi, je suis trop. Voilà. Pas raconter mieux, elle est plus pipette. C'est ça que je t'ai dit, je veux même pas être. Ni que ça soit audio d'ailleurs. Parce que. Mais je sais que c'est pour toi. Ouais. Non, mais parce que les gens, ils se disent ah, mais c'est qui quoi, peut-être les gens d'ici reconnaîtraient ma voix, mais j'ai pas envie d'être filmé, j'ai pas envie de la voir parce que. Non, mais chaque fois, c'est bonjour monsieur, non, c'est madame. Même quand ils me voient avant que j'ouvre la bouche, donc. C'est vrai, mais tout le monde, mais c'est normal, je sais, puis je me fâche jamais, quoi. Mm. Je sais comment je présente, je sais ma coupe de cheveux, tu sais, les gens, ils te regardent vite fait. Et puis... Ouais. Bon, bref, du coup, voilà, j'avais pas envie de ça. Et je suis trop terre à terre pour papoter, moi. C'est ça? Bon, voilà, du coup, j'essaye. Donc, anecdote, on va dire les arbres. Les arbres? Non, les. Comment t'appelles? Les ginkgo. Ah, les ginkgo. Ginkgo. Ouais, les ginkgo femelles. Voilà. Si tu veux. Ouais. Les changements, tu relèves pas beaucoup de changements dans la maison de quartier? Ouais. Non, parce que la maison, c'était déjà ça. Ben oui. Les activités, c'est toujours les mêmes, et puis les autres activités que je ne fréquente pas, quoi. Donc, à part voilà, des animateurs qui vont et viennent. Mmh. Mais toi, tu as fait partie du comité à un moment, oui. Et du coup, pourquoi pourquoi. Enfin, d'un coup, c'était une envie d'être dans le comité. Non, ah non, ouais, non, c'est que chaque fois on me tire, quoi. Allez, je sais pas faire partie du comité. Puis je dis oui bêtement. Et quand pas bêtement, bah, je dis oui. Puis ouais, j'étais trésorier un temps, pendant quelques années. Puis après, en fait, comme je dis oui à tout le monde, j'étais dans quatre comités en même temps. Puis j'étais en train de me faire un burn-out de bénévolat, quoi. Ah, ah ouais, j'étais dans 4 associations. Ah ouais, ouais. Ah non, non, j'en avais marre, j'ai quitté tout le monde. Ouais. J'ai quitté tous mes comités, 3 une année un autre. Et d'ailleurs, l'année où j'en ai quitté 3, escapade. Ouais. Ils me demandent de rentrer, je leur dis oui, parce que je sais qu'ils veulent renouveler, mais ça me parle tellement pas. Ben, je suis resté 2 ans et j'ai lâché, quoi. Est-ce que tu peux nous parler d'escapade? Escapade, oui. Bah oui, parce que escapade, c'est tout à fait, c'est lié à la maison de quartier. Ouais. Escapade, je crois qu'ils ont commencé il y a plus de 30 ans à faire des voyages, et c'était toujours en lien avec la maison de quartier, même avant qu'elle soit ici, peut-être. Avant, il y avait quoi? Non, je crois pas que c'est lié au Picouic en bas, mais... Le Simplon. Ouais, ouais, au Simplon, ouais. En tout cas, je sais qu'ils sont là depuis le début et ils faisaient des sorties montagne et des voyages. Mais donc, ça veut dire qu'à la maison de quartier, on organisait des voyages. Voilà, en fait, c'est... Ça a changé quand même. Ouais, ça, je pense, mais comme j'y étais pas, ouais. je sais pas. Anne, si, pourrait en parler. Ouais. Et en fait, après, en fait, ils sont montés en association, eux, et ça s'est séparé de la maison de quartier. Mais pratiquement, je crois que presque tous les bénévoles de montagne de la maison de quartier, c'est des gens d'escapade, quoi. Ok. Hein? Après, les gens d'escapade, voilà, maintenant, je sais pas, ils doivent avoir... On doit avoir... Non, non, mais ils doivent arriver à 80 allègrement et plus. Hein. Okay. Et du coup, ça fait... Il y a des bénévoles qui ont arrêté parce que... Donc, la maison de quartier montagne, sortie montagne, est en train de perdre des bénévoles, mais parce qu'il y a des gens âgés, quoi, qui sont âgés. Ouais, moi, je trouve que c'est ça. Hein? Il faut recruter des gens plus jeunes. Ouais, on essaie depuis des années, quoi. Ah ouais? Ouais. Oui, de trouver des nouveaux bénévoles. Mmh. Et après, le qu'est-ce que je voulais dire? Escapade, en fait, donc après ça s'est séparé. Donc la maison de quartier, elle fait sortie montagne, été, hiver. Mmh. Et il y a toujours une collaboration encore avec Escapade, parce que Escapade propose des balades. Quand il n'y a plus les sorties montagne, au printemps et en automne, on fait des balades sur Genève avec Escapade. Et en principe, c'est un truc qui est... Dans les sorties montagne, il devrait y avoir le flyer d'escapade avec les sorties quoi, qui sont proposées. Mais ça passe pas par... C'est plus la maison, c'est la maison de quartier. Non, c'est plus la maison de quartier, mais c'est une collaboration avec cette assoce. Okay. Et en principe, dans les sorties montagne, quand tu es sur le site, il devrait y avoir les voyages d'escapade aussi proposés, s'il y a des gens s'intéressés. Et les balades qu'escapade fait pendant l'automne et le printemps. Mmh. Ouais. On se cale toujours sur les dates en principe. Bon, cette année... Les sorties montagne, elles vont durer plus longtemps en septembre, et justement, il ne fallait pas que ça se marche dessus avec Escapade. Mmh. Parce que vraiment, en principe, vers le jeune Genevois, il y a les dernières sorties montagne. Ouais. Et puis, il y a Escapade qui commence jusqu'à novembre. Après, en janvier, il y a hiver MQ qui commence. Ça s'arrête en... Hiver, c'est pour le ski. Ouais. Bien. Ça s'arrête en mars. Et en mars, il y a Escapade qui reprend jusqu'à juin. Et voilà, comme ça, du coup, il y avait tout le temps quelque chose au niveau, ou sur Genève, ou sur l'extérieur. Donc c'est une collaboration de très longue date. Ouais. Ok, bah je crois que... Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Qui te rappelle la maison de quartier. Une anecdote, par exemple. Non. T'as une grosse pèse d'anecdote avec Madeleine. En plus, elle a bossé Madeleine, longtemps. Elle m'a raconté une anecdote. Mais elle a bossé en plus là. Ah, non, mais ouais. Elle m'a raconté qu'il y a un mec, la grue qui s'est... Ah ouais? Qui a pété la maison avec un ouvrier qui est mort. Ah ouais, putain. Ah non, elle m'a raconté une anecdote un peu glauque. Hein. Mais voilà, c'était une histoire qui l'avait marqué, quoi. Ah, non, anecdote, putain. Il n'y a pas un truc avec les repas du mardi, non? Non. Bon, il n'y a pas forcément. C'est pas toujours facile de trouver des anecdotes. Non. Les ados, ils sont forts aussi pour trouver des trucs. Ouais. Des ados et des personnes âgées. Ah ouais. Ouais. Bon. Ouais, désolé. Non, mais c'est bien déjà.